Chapitre 6e. Pendant toute la saison, on put croire à Paris que le duc était mort ou parti pour quelqu'un de ces longs voyages dont il avait autrefois l'habitude. Il n'écrivait plus à personne. Monsieur de Bléré lui-même ne recevait pas de ses nouvelles, mais le gentilhomme breton ne s'effarouchait pas de ce silence. Si monsieur de Carlepont était curieux de feuilleter les pages d'un roman, au fond de sa province, il était assez grand garçon pour savoir jusqu'à quel chapitre il devait pousser sa lecture. Monsieur de Bléré était de cette race d'amis qui ne se montre que dans les moments de crise. Il avait poussé le cri d'alarme de la sentinelle attentive, maintenant il chassait la savagine. Monsieur de Carlepont, tout silencieux qu'il fût, n'avait pas oublié le dernier mot de son ami. Il n'en continuait pas moins bravement à revoir chaque jour Mademoiselle de Montmeillan. La moitié de ses chevaux était fourbue, l'autre ne valait guère mieux. On ne voyait que lui à travers champs. Philiberte n'était plus revenu sur l'entretien qu'ils avaient eu dans les bois. La rigueur de la saison enfermait les derniers hôtes de la campagne dans leur demeure. Seul le duc bravait la neige et la bise. Il était le seul hôte des salons de Bray. Il avait même une chambre à lui dans le château, une chambre qui portait son nom, et il n'était plus nécessaire à présent que l'orage agitât les cimes dépouillées des chênes pour qu'il y cherchât un abri. L'heure avancée, une conversation qu'il avait retenue au coin du feu, un mouvement intérieur dont il n'était plus le maître, tout lui était un prétexte pour monter les marches en spirale de l'escalier qui conduisait dans son appartement. Quelquefois même, il restait le lendemain. Ce qu'il voulait, il ne le savait pas. Ce qu'il désirait, il l'ignorait pareillement. Et si tout à coup un devoir impérieux le mit dans la nécessité de quitter le Maine à tout jamais, il eût éprouvé une sorte de déchirement dont la pensée le faisait frissonner. Le duc avait rencontré beaucoup de femmes, ou plus belles ou plus attrayantes que Mademoiselle de Montmeillan. Il n'avait senti auprès d'aucune cette sensation indéfinissable où l'éloignement tenait autant de place que l'attraction et qui le ramenait aux côtés de Philiberte, malgré les révoltes de sa raison. Était-ce véritablement de l'amour, ou plutôt cette sympathie mystérieuse de certaines âmes un peu blasées vers l'inconnu? À cette époque, M. de Carlepont passait souvent de longues heures, mêlé de délices et de tourments, à suivre dans les environs du château la marche tranquille et légère de Philiberte, dont le pas égal et silencieux effleurait à peine un tapis de neige étendu sur l'herbe rare de l'hiver. Elle avait les mains pleines de graines menues qu'elle répandait autour d'elle par volées, comme un semeur de blé dont il remplit les sillons. Qu'elle était jeune alors, les petits oiseaux accouraient à tire d'elle du fond des bois, s'abattaient sur la trace menue de ses pieds, et dérobait le grain en poussant mille cris. On voyait autour de sa tête comme un tourbillon de plumes illuminé tout à coup par un rayon de soleil. Puis, au milieu de cette gaieté, une pensée subite obscurcissait le visage de Philiberte. Elle battait des mains en poussant un éclat de rire aigu, et la troupe ailée disparaissait plus vite encore qu'elle n'était venue. À quel murmure d'une voix intérieure répondait cet éclat de rire? Monsieur de Carlepont ne l'avait pas oublié. En ces moments-là, il n'était pas toujours seul occupé à observer Madame de Montmeillan. Quelquefois, le baron traversait le jardin lentement, comme un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de se hâter et que le jour passera. Il apercevait sa fille, allait à elle, l'embrassait sur le front avec une lenteur paternelle et une caresse des yeux chargée de tristesse et d'amour, puis il s'éloignait. Mais au premier tronc d'arbre qu'il rencontrait sur la lisière du bois, il s'arrêtait, se retournait, et protégé par cet abri, il attachait sur Philiberte de longs regards qu'elle ne soupçonnait pas. Bientôt la poitrine du père se gonflait, et du visage de sa fille bien-aimée, ses regards se reportaient vers le ciel auquel il semblait demander un soulagement et un secours. Avait-il quelque vague connaissance de ce qui se passait dans l'âme ravagée de Philiberte, ou n'était-ce que la pensée de l'avenir qui le troublait? Pendant ces mêmes heures, Madame de Montmeillan, étendue sur un sofa, dans des attitudes, un livre sur les genoux et la tête inclinée sur la main, soupirait avec la nonchalance d'une créole au printemps de sa 20e année. Parfois encore, tout à coup plus active qu'un hanneton réchauffé par le mois de mai, elle bourdonnait dans le château et mettait tout en branle pour organiser une sauterie. De petits incidents coupaient la monotonie de cette existence. Ils n'apportaient aucun changement dans les rapports familiers que Philiberte entretenait avec le duc. Les jours se succédaient, et c'était la même intimité, mais une intimité froide et glacée. Quelques mots, ça et là, un regard, un sourire, qui prouvait que Mademoiselle de Montmaillan avait plus de pénétration que d'émotion, et c'était tout. Mais par là, Monsieur de Carlepont voyait qu'elle se souvenait de ses confidences. Certains détails, qu'il lui était fort en peine de préciser, lui faisaient croire aussi que si elle avait montré le danger, elle ne cherchait plus à l'en écarter. On sait que dans la cour abandonnée du château, les bestiaux allaient et venaient en liberté, à l'imitation de ses maîtres. Le pâtre qui les surveillait n'en avait souci que pour les perdre. Un matin, et au moment précis où le galop de son cheval l'amenait dans le voisinage du château, l'attention du duc fut éveillée par des cris aigus. Il regarda par-dessus un pan de muraille écroulé et aperçut un enfant qu'un taureau poursuivait. Monsieur de Carlepont quitta la selle d'un élan, et laissant là sa monture tout effarée, il se jeta au-devant du taureau. Attiré par les mouvements du cavalier, dont les mains agitaient un manteau, l'animal perdit de vue l'enfant et tourna sa fureur vers ce nouvel assaillant. C'était là seulement ce que désirait Monsieur de Carlepont, qui ne cherchait point à faire acte de chevalerie en volant au secours du petit fugitif. Deux cernes menaçantes et pointues lui paraissaient d'ailleurs une conquête trop difficile pour ses bras. Il avait bien aperçu du coin de l'œil Mademoiselle de Montmaillan, qui, debout sur le perron, le regardait et paraissait s'intéresser à l'issue de la lutte, mais sa présence ne l'empêcha pas de battre en retraite sans hésiter. Une course terrible commença. Débarrassé de son manteau qu'il avait jeté dans les jambes de son ennemi un instant arrêté par cet obstacle flottant, le duc se faisait un rempart des arbres et des buissons, et d'un bond léger, évitait à tout coup l'attaque du taureau qui beuglait et frappait du pied, acharné à le poursuivre. Courant ainsi et tournant toujours, souple, hardi, plein de prudence, et mesurant chaque distance d'un coup d'œil rapide, M. de Carlepont atteignit enfin le pied d'une large haie qu'il franchit d'un seul et robuste élan. Le taureau heurta la haie de son poitrail, n'aperçut rien, et saisi d'un étonnement stupide, s'arrêta court. Le fugitif venait de gagner le bois, protégé par un massif d'arbrisseaux, et d'un pied leste, où l'on ne sentait ni la fatigue ni l'effroi, s'acheminait tranquillement vers le château. L'enfant, à qui le souvenir du péril qu'il avait couru arrachait encore des sanglots, était blotti dans une grange, sa tête blonde, effarée et curieuse, penchée au bord d'une lucarne. Mais il n'était pas seul, on le sait, à regarder Monsieur de Carlepont. Depuis le commencement de cette poursuite, qui pouvait être marquée par une catastrophe, Mademoiselle de Montmaillan, immobile à sa place, examinait l'attitude du duc. Tout d'abord un sourire de dédain entr'ouvrit ses lèvres en le voyant précipiter sa fuite au travers des arbres. Mais elle devint bientôt sérieuse en reconnaissant le mélange d'audace et d'habileté qui transformait sa course en une retraite savante. Point de trouble, point de hâte, mais une sorte d'élégance qui mettait de la coquetterie dans le péril. Ce n'était pas une âme ordinaire que celle qui animait ce corps robuste et agile. Cependant, et tandis qu'il assistait à cette espèce de tournoi, comme autrefois une châtelaine penchée à son balcon, les cornes acérées du taureau labouraient le vide à tout coup et frappaient quelquefois le tronc d'un chêne derrière lequel venait de s'effacer son impassible adversaire. La mort était sans cesse devant lui et sans cesse il l'esquivait. Dans cette lutte, le vainqueur était le fugitif, calme et maître de son élan. Le vaincu était le farouche animal qui brisait les clôtures et les arbrisseaux du choc de son poitrail. Lorsque M. de Carlepont eut mis tout à coup entre sa poitrine et son formidable ennemi le rempart d'une haie, Philiberte, qui ne respirait plus, appuya la main sur son cœur. Étonnée, elle y retint, et répétant alors le mot fameux de Galilée, « Et pour s'y moire, » dit-elle. Mais comme indignée de sa découverte, un sourire amer releva le coin de ses lèvres, et sans plus regarder au loin, et d'un pas dédaigneux, elle rentra chez elle. « Encore, et c'est moi. » murmura-t-elle d'une voix irritée. Quand M. de Carlepont parut au salon, Philiberte était assise devant son piano. Elle n'interrompit pas pour lui le morceau commencé. À quelque temps de là, une rumeur soudaine qui sortait de la cour attira hors du château tous les hôtes de Bray. On était alors dans les premiers jours d'avril. Un souffle de vent humide et vif rasait par rafale l'herbe nouvelle. Un groupe d'hommes et de femmes qui parlaient avec une singulière véhémence entourait un brancard porté par quatre bûcherons. Le cortège bruyant s'arrêta en face de la grande porte, grossi déjà par la foule des valets de ferme, des servantes et des bergers. Monsieur de Carlepont, qui venait de saisir au vol quelques paroles échangées entre les curieux, fendit la foule. Là, un pitoyable spectacle frappa sa vue. Un gendarme atteint en pleine poitrine d'un coup de feu gisait sur le brancard. Il avait sur le visage ce caractère de stupeur qu'on remarque chez quelques blessés. De petites bulles d'air s'échappaient de la plaie et faisaient tout autour comme une mousse sanglante. Mademoiselle de Montmaillon s'était glissée dans le cercle à la suite du dîner. « C'est Jean Leblanc qui a fait le coup, » dit un bûcheron. Tandis qu'un petit pâtre courait vers un hameau voisin où résidait un officier de santé, Philiberte, à genoux auprès du brancard, lavait la blessure avec un linge imbibé d'eau fraîche. On apprit que le gendarme, se trouvant en surveillance dans une partie de bois fréquentée par le plus détestable braconnier du pays, l'avait surpris tendant des collets. Sommé de se rendre, Jean Leblanc avait armé son fusil. « J'étais sur la lisière du bois à faire des bourrées, » poursuivit le bûcheron. « J'ai bien vu le gendarme entrer sous le couvert, et les traces de pas imprimées sur le gazon frais faisaient reconnaître que Jean Leblanc venait de passer par là. J'entendis comme un murmure de voix dans l'éloignement, puis tout à coup la détonation d'un coup de fusil. Ça me fit passer le frisson dans le dos. Cependant, je taillais toujours les ramées lorsque j'avisais le braconnier qui se sauvait en courant le fusil à la main. Il n'aime pas que l'on s'occupe de ses affaires, Jean Leblanc. Et puis il a bientôt mis le doigt sur une gâchette. C'est pourquoi, étant père de famille, je ne fis pas semblant de le voir, affectant même de siffler un air entre mes dents. L'homme disparut, j'allais me couler dans le fourré lorsque j'en vis sortir le pauvre Bordieu. Il marchait à petits pas et s'appuyait sur son mousqueton. Son pied s'embarrassa dans une souche. Il pirouetta sur lui-même et tomba lourdement sur le sol. J'appelai des camarades qui travaillaient par là. Quand nous arrivâmes, il y avait sur l'herbe une mare de sang. Bourdieu ne remuait presque plus. Nous l'avons couché sur un brancard fait à la hâte, et nous voilà. Faudrait peut-être le transporter dans une chambre du château. Le gendarme, qui paraissait à moitié mort, saisit les mains du bûcheron et secoua la tête. « Ah oui, c'est la même chanson, » poursuivait l'autre, tant qu'il a pu parler, et ça lui arrivait toutes les fois qu'une secousse lui faisait ouvrir les yeux. Il a demandé qu'on le ramenât chez lui. C'est son idée de voir sa femme et les petits. Philiberte posa la main doucement sur l'épaule de Bordieu. « On ira les chercher, » dit-elle. Un rayon de joie passa dans les yeux décolorés du gendarme. L'officier de santé arriva, précédé du petit pâtre essoufflé. Il examina la blessure et posa un premier appareil, du linge et de la charpie s'étant trouvés sous sa main par enchantement. Philiberte avait tout fait sans bruit et froidement comme une ombre, tandis que Madame de Montmaillon poussait de petits cris et s'évanouissait à l'une des fenêtres du château. Monsieur de Carlepont attira le chirurgien à l'écart. « Est-il en état d'être transporté ? » dit-il. « Bordieu ! » répondit l'officier. « Je n'ai pas grande science, mais autant que je puis connaître, j'ai idée qu'il n'ira pas loin. Le coup a fait balle. Il a sous l'omoplate une poche remplie de plomb qu'on sent derrière le tégu mince. Le poumon est perforé d'outre en outre. J'ai peur d'un épanchement. » Le brigadier de la station à laquelle appartenait Bordieu se présenta tout effaré. Il embrassa son camarade. « Bon, bon, » dit-il, « nous ferons encore un sang de piquet. » Il se mit en devoir d'écrire les dépositions des témoins. Mais au milieu de son travail, l'agonie du gendarme commença. Il devint bleu, tout à coup, agita ses pieds et ses mains par secousses convulsives, se souleva et retomba. « C'est l'épanchement, » dit le chirurgien. Il ouvrit une lancette et piqua la veine du bras. Quelques gouttes de sang noir tachèrent la pointe de l'acier. Les yeux du blessé s'obscurcirent. « Tonnerre, » dit le brigadier. « J'irai la taille du gland. Et si Jean Leblanc n'y est plus, je battrai le pays jusqu'à ce que je le trouve. » Il passa la main sur ses paupières. Plus pâle et plus raide qu'une statue, Mademoiselle de Montmaillon regardait mourir le gendarme. Autour d'elle, les gens de la ferme et du hameau s'étaient agenouillés. On n'entendait plus que les cris des oiseaux dans les buissons. Quand Bourdieu eut cessé de vivre, le brigadier tira un anneau que le pauvre mort avait au doigt et une montre d'argent qu'il portait sous son ceinturon. « Va, mon pauvre Bourdieu, » dit-il, sans plus retenir ses larmes. « Foi de camarade, tu seras vengé. » Philiberte parut sortir de son engourdissement. Posant un doigt sur la manche du soldat, « N'avez-vous pas une femme et des enfants ? » dit-elle. « Eh bien, et mon devoir ? » s'écria le brigadier. « Et si vous mourrez ? » ?»« C'est mon état de mourir. » On jeta une couverture sur le corps du gendarme et le cortège reprit sa marche lentement. Philiberte le suivit longtemps des yeux. Le bouleversement de ses traits frappa le duc. Le trouble et l'effroi que fait naître le spectacle imposant de la mort ne produisent pas seuls de tels ravages. Il y avait sur son visage comme un mélange d'indignation, de colère et de pitié. Mademoiselle de Montmeillan se dirigea sans parler vers cette partie du parc où elle avait ouvert son âme à monsieur de Carlepont. Cette fois encore, il l'accompagnait. « Une veuve, des enfants tout petits, pauvres êtres !» s'écria-t-elle tout à coup. « Ne tremblez pas pour eux, » répondit monsieur de Carlepont. « Ma main rencontrait celle du mort. Sa femme et ses enfants iront au rocher. »« Un peu d'argent, une aumône, voilà donc tout ce que vous savez faire ?» reprit mademoiselle de Montmeillan avec un accent après dur, où l'on sentait le dédain. Le duc ne s'attendait pas à cette tempête. Il regarda Philiberte d'un air surpris. « Avez-vous entendu ce qu'a dit ce soldat ? » poursuivit-elle. « Je ne suis pas facile aux émotions et sa voix m'a remué. Ce qu'il offre, lui, c'est une part de son sang. C'est sa vie, peut-être. »« J'ai joué la mienne 20 fois, » répondit M. de Carlepont. « Je n'ai jamais eu la pensée que ce fût quelque chose. »« Ah ! Vous avez dit le mot, vous l'avez joué, et non offerte. »« Sérieusement, je ne vous comprends pas. »« Voulez-vous que je m'explique ? » « Sérieusement, je vous le demande. » Les yeux de Philiberte lançaient des éclairs. Ses lèvres devinrent blanches tout d'un coup. « Eh bien, je parlerai, » s'écria-t-elle. « Aussi bien vaut-il mieux que vous sachiez tout ce que je pense, puisqu'un premier entretien n'a pas suffi pour vous faire voir qui j'étais. » Elle pressa le pas comme si sa marche plus active dût donner plus de force à son langage. « Tenez, » reprit-elle, « que faites-vous ici ? Vous deviez partir, vous êtes resté. » Vous deviez ne plus me voir, et chaque jour vous êtes revenu, et chaque jour vos regards s'arrêtent plus longtemps sur moi. Croyez-vous que je n'en comprenne pas le langage mystérieux ? En toute chose, vous agissez comme un homme qui m'aimerait. Et quelles armes employez-vous pour battre en brèche ce cœur glacé ? Savez-vous une créature humaine qui ne puisse faire, et au profit d'une pensionnaire, les mêmes puérilités que je vous vois accomplir tous les jours ? Monter à cheval, en descendre, y remonter, courir les bois, passer de longues heures à échanger des mots inutiles sur 20 sujets rebattus, quelquefois battre les cartes, un matin tirer un lièvre, un soir tuer un loup, ce sont là, dites, des actions qui puissent me toucher. Ai-je surpris, pendant le long cours de cet hiver, un mouvement, un cri, que sais-je, une folie où l'on sentit la passion ? Voyez, cependant, voilà un homme qui court à la mort parce que c'est son devoir, et qui le fait humblement, dans un coin de terre ignoré. Et vous, sous mes yeux, dans l'espoir de me toucher, de me vaincre, vous ne savez rien tenter. Un misérable est dans les bois, tout souillé du sang d'un pauvre soldat. Il erre comme une bête fauve, prêt à de nouveaux crimes. Et cette pensée ne vous est pas venue à vous, dont la vie n'appartient à personne, que vous feriez une œuvre utile et bonne en l'arrachant à sa tanière ? Vous me direz peut-être que cela est insensé, que pareille chose ne s'est jamais vue, et qu'on ne sait pas de gentilhomme qui ait fait œuvre de gendarme, et ne le sais-je pas. Mais alors, de quel droit prétendez-vous me tirer de mon linceul ? Suis-je donc de ces ignorantes qu'on trouble avec des bouquets et des romances, et qui se laissent prendre à des fadaises ? Il me semblait cependant que ma franchise n'avait reculé devant aucun aveu, et que j'avais écarté tout voile qui pouvait me déguiser. Donc, si vous voulez me faire croire que quelque chose s'agite en vous quand je passe, poussez droit aux folies. Sinon, ne dites pas que vous m'aimez. Monsieur de Carlepont s'empara de la main de Philiberte. Et si je courais au fond du bois où se cache le meurtrier, m'écouteriez-vous seulement ? Dit-il. Qui sait ? Au moins saurais-je que ma voix a quelque empire sur vous. Au moins pourrais-je dire « Celui-là m'a écouté, qui n'a pas craint d'exposer sa vie. » Mais non ! Parce qu'un jour, la pluie vous a surpris chemin faisant. Vous entrez comme un vainqueur dans le château de Bray, et vous attendrez que je vous dise « Voici mon cœur, prenez. Vous savez cependant qu'il ne bat plus guère. » On verra. Répondit monsieur de Carlepont. Le son de sa voix était si simple, si tranquille, que Philiberte, à son tour, regarda le duc avec étonnement. Son feu tomba comme le bouillonnement d'une eau chaude au contact d'un jet d'eau froide. Inquiète et presque embarrassée, mais toujours hautaine, elle reprit le chemin du château. Le duc resta à dîner et s'éloigna presque aussitôt après. Ce Jean Blanc, qui venait de tuer Bordieu, était un ancien garde du château voisin. Renvoyé pour une faute grave, il vivait de braconnage. Le désir de se venger l'y poussait autant que le goût. Sa violence, sa force redoutable, son humeur farouche, en faisait un objet d'épouvante pour le canton. Quand il n'avait pas d'argent pour acheter un pain, il se faisait donner à manger dans les fermes. Il dormait dans les granges. La gendarmerie s'était bientôt mise à sa poursuite, mais la connaissance qu'il avait du pays rendait la capture de Jean Leblanc difficile. Surpris enfin, il n'avait pas reculé devant un meurtre pour assurer sa liberté. Quelques pièces blanches distribuées aux bûcherons aidèrent M. de Carlepont à obtenir sur ce vagabond les renseignements qu'il désirait. On ne les eût certainement pas donnés à un juge de paix dans la crainte des représailles, mais à un chasseur cela importait peu. Et puis, les personnes que le duc interrogeait étaient encore sous le coup de l'émotion causée par le crime du braconnier et se laissaient aller aux confidences. La proposition de Mademoiselle de Montmaillan, si étrange qu'elle fût, ne tombait pas dans les oreilles d'un homme qu'elle put étonner. Elle avait même un côté de bizarrerie hautaine et fantasque qui devait plaire à un esprit enclin aux aventures. À défaut d'autres bénéfices, un certain orgueil poussait d'ailleurs le duc à bien faire voir à cette belle indifférente qu'il n'était pas d'entreprise dont la témérité pût le faire reculer. Sa résolution était donc prise au moment où, sans plus parler du Jean Leblanc, il quitta Philiberte. Vers le milieu de la nuit, M. de Carlepont s'arma d'un fusil, siffla son meilleur chien et sortit. À la première pointe du jour, et en questionnant habilement des charbonniers et des gardeurs de moutons, il apprit que Jean Leblanc s'était enfoncé dans un bois épais dont les profondeurs couvraient un pâté de collines et de ravins. Une compagnie de gendarmes ne l'y découvrirait pas, dit un berger. M. de Carlepont entra dans le bois. Chemin faisant, il tira deux ou trois pièces de gibier comme un chasseur qui pense à remplir son carnier. Au moment où il arrivait à l'ouverture d'un vallon sauvage, son chien leva le museau, huma le vent et fit entendre un sourd grognement. « Bon, m'y voilà !» murmura le duc. Il s'assit alors sur un quartier de pierre au bord d'un ruisseau, tira de son bissac quelques tranches de viande froide, un gros morceau de pain et se mit à déjeuner. La place était claire et tapissée d'un lit d'herbe. Un instant après, le chien grogna plus fort. M. de Carlepont leva les yeux et vit à 30 pas de lui, sur la lisière d'un taillis, un homme maigre, osseux, un peu voûté des épaules et coiffé d'un méchant feutre noir qui le regardait attentivement. « C'est lui, » pensa le duc et il continua à couper sa viande et son pain. Le meurtrier resta quelques secondes immobile parmi les buissons comme un loup affamé qui surveille le passage d'un matin et ne sait encore s'il doit l'attaquer ou s'enfuir. Il avait le regard inquiet et le promenait activement dans toute l'épaisseur du bois comme un homme qui redoute l'approche d'un ennemi invisible. M. de Carlepont ne remuait pas et mangeait comme s'il eût été seul. Rassuré par le silence et la solitude des bois, poussé peut-être aussi par la faim, Jean Leblanc se décida à faire un pas dans la clairière et jetant son fusil sur l'épaule. « Eh, camarade, on a bon appétit, ce me semble » dit-il. « Ne pourrait-on pas déjeuner avec vous ?»« Cela dépend de la manière de demander » répondit M. de Carlepont qui ne perdait pas une bouchée. « Ça, dépêchons !» répliqua le braconnier qui enfonça la crosse de son fusil dans l'herbe. « Je n'ai pas le loisir de faire des politesses. Il me faut du pain et du jambon et vivement. » Le duc se leva. « Voilà qui s'appelle parler. » reprit-il. « J'ai mangé. Prenez ce qui reste. » Le chien de M. de Carlepont venait de se jeter entre eux, la queue basse et montant ses crocs. « Ramenez la bête ou je la brûle !» s'écria Jean Leblanc. « Vous auriez tort, » répliqua le duc froidement. « Si vous avez un fusil, j'en ai un, et le mien est à deux coups. La partie n'est pas égale. » Le meurtrier hésita. Quelque chose paraissait dans le visage et l'attitude de son interlocuteur qui l'étonnait. Il n'osait étendre la main sur les débris du déjeuner qu'on voyait épars dans l'herbe. Les yeux de ces deux hommes s'interrogeaient. Un sentiment indéfinissable de terreur bouleversa tout à coup les traits de Jean Leblanc. Il venait de comprendre confusément qu'un danger le menaçait. « Mordieu ! » s'écria-t-il. « Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?» « Je suis le duc de Carlepont et je viens vous arrêter, » répondit Pierre. Une exclamation partit des lèvres du bandit qui leva son fusil en l'air, les deux mains nouées autour du canon. Mais il n'eut pas le temps de s'en servir. Le duc venait de fondre sur lui et avec une force exercée dans 20 rencontres, il lui arracha l'arme des mains et en brisa la crosse contre un arbre. Jean Leblanc poussa un cri de rage et entoura le duc de ses bras maigres et osseux. Celui-ci était prêt à la lutte. Elle ne fut pas longue. Deux minutes après, le braconnier roulait par terre, à demi étouffé. Il râlait, et ses bras inertes pendaient le long de son corps. Monsieur de Carlepont tira de sa poche un paquet de cordelettes finement tressées et noua fortement les poignets du vaincu qui respirait par secousses. Un hurlement de bête fauve souleva la poitrine de Jean Leblanc quand il recouvrait ses sens. Il fit un effort désespéré pour rompre les liens qui le garrottaient. Mais la tension des muscles, si désespérée qu'elle fût, ne put en briser les nœuds. Le saisissant alors par le bras, le duc l'aida à se relever. « À présent, marchons » dit-il. Quand ils furent dans la plaine, le duc appela des ouvriers qui travaillaient au champ et leur remit son prisonnier. 2 heures après, il arrivait au château de Bray. Philibert allait et venait devant la porte, d'un pas inégal. Elle rougit en l'apercevant. « Mademoiselle, dit monsieur de Carlepont, ne tremblez pas. L'homme qui a tué le pauvre Bordieu n'est plus à craindre. « Hein, pourquoi ? Dit-elle, mais elle n'acheva pas. Lui tendit la main vivement, la retira par un geste rapide comme si elle eût craint le contact de la sienne, et se précipita vers le château. Cependant, si rapide que était sa fuite, elle ne le fut pas assez pour empêcher M. de Carlepont d'apercevoir des larmes qui gonflaient ses paupières.